Le document 3136, une enquête de Browning & Co., détective, par José Moselli. Chapitre 1er. Il y avait déjà 3 mois que César Abascas et son associé Tom Browning avaient posé sur la porte de leur modeste logement de la rue Mellet à Paris une plaque d'émail blanc portant ces mots en lettres noires, Browning & Co., détective privé, spécialité de filature, sans que cette annonce tentatrice leur eût amené un client. Un seul, si. Un matin, un vieux marchand des 4 saisons est venu annoncer aux 2 détectives qu'il avait perdu son chien, justement un chien policier, et il leur avait demandé de le retrouver. Browning, indigné, l'avait mis dehors à coups de pied. Depuis, c'était le marasme. Pourtant, les assassinats, bols, escroqueries, cambriolages continuaient à être nombreux dans la bonne ville de Paris, mais personne n'avait l'idée de recourir aux lumières des 2 associés. Or, les fonds s'épuisaient, le terme approchait, il faudrait payer le propriétaire ou être expulsé. C'est pourquoi, ce matin-là, 6 octobre, les 2 hommes, installés dans la petite pièce, meublée d'une table bureau, de 4 chaises et d'un cartonnier, qu'ils appelaient pompeusement leur cabinet, discutaient plutôt mélancoliquement sur la conduite à tenir. César Abascas, un gros bordelais d'une 40aine d'années, au visage rond et rouge comme la lune vue à travers le brouillard, grommelait. « Eh ben, qu'est-ce que tu veux, mon pauvre Browning? Ça ne va pas. C'est malheureux à dire. Je ferai patienter le propriétaire en lui disant que nous sommes sur une affaire qui doit nous rapporter gros, et pendant qu'il attendra, peut-être que l'affaire viendra, qu'est... » Tom Browning, un grand gaillard maigre et osseux, dont la face rasée s'ornait d'une bouche largement fendue aux lèvres minces, d'un nez assez semblable à un bec de vautour et de 2 yeux verts au regard froid, secoua sa pipe, vide hélas, contre le coin du bureau et maugréa. Le propriétaire n'attendra pas, on lui doit déjà 3 termes, on lui raconte toujours la même chose. Ah, je vous croyais plus d'imagination, Abascas. Le bordelais se redressa, très digne. J'en ai toujours plus que toi, mon ami. C'est moi qui imaginais l'excuse de l'enquête, à toi de trouver autre chose. Dame Ned, j'en ai assez de l'Europe. Je retourne en Amérique. Dès que j'aurai l'argent nécessaire à payer mon passage... Alors, tu n'es pas encore prêt de revoir New York, remarqua Abascas. Tiens, il me reste encore 2,50 francs. Nous allons prendre l'apéritif. Cela nous... Il s'interrompit. Le timbre de la porte d'entrée venait de résonner. Un client ? Les 2 associés instantanément se composèrent une attitude. Abascas se pencha sur l'appareil téléphonique posé sur le bureau, un appareil qui ne correspondait nulle part, et parla d'une voix brève. « Impossible de nous occuper tout de suite de votre affaire. Nous avons des engagements avec plusieurs grandes administrations. Enfin, nous étudierons cela. Vous recevrez la visite d'un de nos chefs de service. » Dans la petite antichambre, le plancher craqua. Il y eut un bruit de pas. 2 coups légers firent retentir la porte du cabinet. « Entrez !» fit Browning brièvement. Il se remit à compulser des papiers qu'il avait étalés sur le bureau. Un petit homme, correctement vêtu, entra. « Fordier !» exclama Abascas. « Abascas !» fut le nouveau venu. « Ah, j'avais peur de ne pas te trouver. Ça va, les affaires ?»« Ça boulotte !» assura le bordelais, sans se compromettre. « Et laisse-moi te présenter mon associé, le célèbre détective américain Tom Browning. »« Mon cher Browning, je te présente M. Fordier, un vieux camarade d'enfance, actuellement sous-chef de bureau au ministère de la Marine. » Les 2 hommes se serrèrent la main en silence. « Voilà ce qui m'amène, » expliqua Fordier. « Une sale affaire. Et qui peut faire votre fortune ? On vient de s'apercevoir, il y a 1 heure à peine, que les plans d'un nouveau cuirassé sous-marin, inventé par le capitaine de frégate Florian, avait disparu. Ces documents avaient été déposés dans le coffre-fort du directeur de la section des plans et devis des constructions navales, M. Poitou-Marigny. Lorsque M. Poitou-Marigny, tout à l'heure, a voulu les prendre pour les porter au conseil des ingénieurs, il s'est aperçu qu'ils avaient disparu. L'on a fait une rapide enquête. Nul ne sait rien. Le coffre-fort est intact, il n'a pas été fracturé. Les surveillants n'ont rien vu, rien entendu. Et notez bien que M. Poitou-Marigny a placé les documents lui-même dans le coffre hier au soir avant de quitter son bureau. La police, naturellement, a été prévenue. Enquête. Moi, j'ai profité de mon heure de déjeuner pour venir vous prévenir. Si vous réussissiez à avoir les plans, rendriez un grand service à la défense nationale, car le cuirassé sous-marin monté par le capitaine Florian est, paraît-il, une arme terrible, beaucoup plus perfectionnée que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, et doit redonner à la France une partie de sa supériorité maritime. Et j'ajoute que vous seriez fortement récompensé et que votre réputation sera faite. « Elle l'est déjà !» s'écria Rabascas. « Oui, mais elle le serait encore plus. Et voilà !» Vous en savez tout autant que la police. Si j'apprends quelque chose de plus, je vous le ferai connaître. Je me sauve déjeuner, maintenant. Il est près d'une heure. À bientôt. Deux poignées de main, et le jeune fonctionnaire fut dehors. Les deux détectives privés se regardèrent. « Qu'est-ce que tu en penses, Browning ?» questionna Rabascas. « Rien, » fit l'Américain. « Ce n'est pas grand-chose. Moi, eh bien, je ne sais pas penser à deux choses en même temps. En ce moment, je pense que j'ai soif et faim. Allons prendre l'apéritif. Ça nous éclaircira les idées. » Browning haussa les épaules. Il était de mauvaise humeur ce jour-là. À côté du Bordelais, il descendit dans la rue. Tous deux gagnèrent l'arrière-boutique d'un petit marchand de vin du voisinage, qui leur faisait encore crédit, mais qui commençait à s'impatienter. Comme Rabascas portait à ses lèvres le vermouth gommé qu'il venait de se faire servir, un adolescent pénétra en coup de vent dans la boutique. « Demandez le crime du boulevard Ornano !» glapit-il en brandissant un paquet de journaux fraîchement imprimés. « Horrible détail !»« Vous en voulez un, mon prince ?» demanda-t-il en tendant une des feuilles à Rabascas. Le Bordelais machinalement prit le journal, le paya, et poussa une exclamation de joie accompagnée d'un coup de poing si violent sur le marbre de la table que les verres tremblèrent et que le patron, inquiet, accourut, craignant pour son matériel. « Vous en faites pas !» le rassura le Bordelais. « C'est une piste que je viens de trouver. Écoute, Browning, ce que dit le journal. On a trouvé ce matin, mort dans son lit, dans son appartement boulevard Ornano, M. Robert Peltirbe, expéditionnaire au ministère de la Marine. Il tenait encore dans sa main crispée le revolver avec lequel il s'était fait sauter la cervelle. Écoute. Et l'on a constaté que son appartement avait été cambriolé de fond en comble, mais si habilement et avec si peu de bruit que nul ne s'est aperçu de rien et que c'est la femme de ménage qui, vers 10 heures, en venant pour nettoyer le logement, a découvert le crime. M. Robert Peltirbe était un homme très rangé et l'on ne sait à quoi attribuer le crime, si crime il y a. Tu vois cela, Browning ? Oui, très bien, c'est la même affaire. Le vol au ministère et l'assassinat de ce Peltirbe. Nous allons éclaircir cela. Seulement, il nous faudrait un peu d'argent. Eh bien, vendons le mobilier de l'étude, pour ce qu'il nous sert. Nous aurons bien 200 ou 300 francs du tout, et si nous réussissons, nous pourrons nous agrandir. Ça va ? Yes, acquiesça l'Américain.